Conte premier, la Groache de l'île du Loc, par Émile Souvestre. Le nom de Groache ou Grache signifie proprement vieille femme. On le donnait aux druidesses qui avaient leur collège dans une île voisine des côtes de l'Armorique et appelée pour cela île de Groache, dont on a fait par corruption Groet ou Groix. Mais ce nom de Groache fut peu à peu détourné de son sens primitif. Au lieu de désigner une vieille femme, il finit par désigner une femme ayant puissance sur les éléments et habitant au milieu des flots, comme les druidesses de l'île. En un mot, une sorte de fée des eaux, mais de nature malfaisante, comme toutes les fées bretonnes. Souvestre a entendu répéter plusieurs fois, avec des variantes, le nom de la Groache, chaque conteur plaçant la scène dans un lieu différent et souvent imaginaire. L'auteur du foyer breton a cru pouvoir choisir les temps de l'île du Loc. Tous ceux qui connaissent la terre de l'église, l'Anilis, savent que c'est une des plus belles paroisses de l'évêché de Léon. Là, il y a toujours eu, outre les fourrages et les blés, des vergers qui donnent des pommes plus douces que le miel de Sisin et des pruniers dont toutes les fleurs deviennent des fruits. Pour ce qui est des jeunes filles à marier, elles sont toutes sages et ménagères, à ce que disent leurs parents. Dans les temps anciens, alors que les miracles étaient aussi communs dans la Basse-Bretagne que le sont aujourd'hui les baptêmes et les enterrements, il y avait à l'Anilis un jeune homme qui s'appelait Warn Pogam et une jeune fille nommée Bella Postic. Tous deux étaient cousins à la mode du pays. Et leur mère, quand ils étaient tout petits, les avait élevés dans le même berceau, comme on le fait des enfants que l'on destine à être un jour maris et femmes, avec la permission de Dieu. Aussi avaient-ils grandi en s'aimant de tout leur cœur. Mais leurs parents étaient morts l'un après l'autre, et les deux orphelins, qui n'avaient pas d'héritage, furent obligés de se mettre en service chez le même maître. Ils auraient pu se trouver heureux, mais les amoureux ressemblent à la mère qui se plaint toujours. Si nous avions seulement de quoi acheter une petite vache et un pourceau maigre, disait Warn, je louerais à notre maître un morceau de terre, le curé nous marierait et nous irions demeurer ensemble. Oui, répondait Bella avec un gros soupir, mais nous vivons dans des temps si durs. Les vaches et les porcs ont encore renchéri à la dernière foire le plus d'Almezo. Pour sûr, Dieu ne s'occupe plus comment le monde va. J'ai peur qu'il ne faille attendre longtemps, reprenait le jeune garçon, car ce n'est jamais moi qui finis les bouteilles quand je bois à l'auberge avec des amis. Tout le monde sait que celui qui finit une bouteille doit être marié dans l'année. Le chant du coucou annonce aussi aux jeunes filles un mariage avant le retour de l'hiver. Bien longtemps, répliqua la jeune fille. « Car je n'ai pu réussir à entendre le coucou chanter. » Ces plaintes recommencèrent tous les jours, jusqu'à ce qu'Warn eût enfin perdu patience. Il vint trouver un matin Bella, qui vanait du blé dans l'air, et lui annonça qu'il voulait partir pour chercher fortune. La jeune fille fut bien affligée à cette nouvelle, et fit tout ce qu'elle put pour le retenir. Mais Warn, qui était un garçon résolu, ne voulut rien écouter. « Les oiseaux, dit-il, vont devant eux jusqu'à ce qu'ils aient rencontré un champ de grains, et les abeilles jusqu'à ce qu'elles trouvent les fleurs pour faire leur miel. Un homme ne peut avoir moins de raison que des bêtes volantes. Moi aussi, je veux chercher partout ce qui me manque, c'est-à-dire le prix d'une vache et d'un pourceau maigre. Si vous m'aimez, Bella, vous ne vous opposerez pas davantage à un projet qui doit hâter notre mariage. » La jeune fille comprit qu'elle devait céder, et quoique le cœur lui tournât, elle dit à Warn, « Partez à la grâce de Dieu, puisqu'il le faut, mais avant, je veux partager avec vous ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage de mes parents. » Alors elle conduisit le jeune garçon à son armoire et en tira une clochette, un couteau et un bâton. « Ces trois reliques, dit-elle, ne sont jamais sorties de la famille. » Voici d'abord la clochette de Saint-Colédoc. Elle a un son qui se fait entendre, quelle que soit la distance, et qui avertit nos amis des périls que nous courons. Le couteau a appartenu à Saint-Corentin, et tout ce qu'il touche échappe aux enchantements des magiciens ou du démon. Enfin, le bâton est celui que portait Saint-Vougat. Il vous conduit où vous voulez aller. Je vous donne le couteau pour vous défendre des maléfices, la clochette pour me faire connaître vos dangers, et je garde le bâton pour vous rejoindre si vous avez besoin de moi. » Warne remercia sa promise. Il pleura un peu avec elle, comme il le faut toujours quand on se sépare, puis il s'en alla vers les montagnes. Mais c'était alors comme aujourd'hui, et dans tous les villages où il passait, Warne était poursuivi par des mendiants qui, parce que ses braies étaient entières, le prenaient pour un seigneur. « Par ma foi, pensa-t-il, ceci est un pays où je vois plus d'occasion de dépenser que de faire fortune. Allons plus loin. » Il continua donc en descendant jusqu'à la côte et arriva à Pont-Aven, qui est une jolie ville bâtie sur une rivière bordée de peupliers. Là, comme il était assis à la porte de l'auberge, il entendit deux sauniers qui causaient en chargeant leurs mules et parlaient de la groache de l'île du Loc. Warne demanda ce que c'était. Ils lui répondirent que l'on donnait ce nom à une fée qui habitait le lac de la plus grande des Glénans, et que l'on disait aussi riche à elle seule que tous les rois réunis. Bien des gens étaient allés déjà dans l'île pour s'emparer de ses trésors, mais aucun n'était revenu. Warne eut tout de suite la pensée de s'y rendre à son tour afin de tenter l'aventure. Les muletiers firent leurs efforts pour l'en détourner. Ils ameutèrent même tout le peuple autour de lui en criant que les chrétiens ne pouvaient laisser ainsi un homme courir à sa perte, et l'on voulut retenir de force le jeune garçon. Il remercia de l'intérêt qu'on lui montrait et se déclara prêt à abandonner son projet si l'on voulait seulement faire une quête dont le produit lui permettrait d'acheter une petite vache et un pourceau maigre. Mais à cette proposition, les muletiers et tous les autres se retirèrent en répétant que c'était un entêté et qu'il n'y avait aucun moyen de le retenir. Warne se rendit donc au bord de la mer chez un batelier qui le conduisit à l'île du Loc. Il trouva sans peine l'étang placé au milieu de cette île et qui est entourée de gazons marins à fleurs roses. Comme il en faisait le tour, il aperçut vers une des extrémités, à l'ombre d'une touffe de genêt, un canot couleur de mer qui flottait sur les eaux dormantes. Ce canot avait la forme d'un cygne endormi, la tête sous son aile. Warne, qui n'avait jamais rien vu de pareil, s'approcha avec curiosité et entra dans la barque pour mieux la voir. Mais à peine y eut-il mis le pied que le cygne eut l'air de s'éveiller. Sa tête sortit de dessous ses plumes, ses larges pattes s'étendirent sur l'eau et il s'éloigna brusquement du rivage. Le jeune homme poussa une exclamation d'effroi, mais le cygne avança plus vite vers le milieu de l'étang. Warne voulut se jeter à la nage. Alors l'oiseau enfonça son bec dans les eaux et plongea en l'entraînant avec lui. Le léonard, qui ne pouvait crier sans boire la mauvaise eau de l'étang, fut forcé de se taire et parvint ainsi à la demeure de la Groache. C'était un palais de coquillages qui surpassait tout ce que l'on pouvait imaginer. On y arrivait par un escalier de cristal fait de telle manière que, lorsqu'on y posait le pied, chaque marche chantait comme un oiseau des bois. Tout autour, on voyait d'immenses jardins où grandissaient des forêts de plantes marines et des pelouses d'algues vertes, toutes parsemées de diamants au lieu de fleurs. La Groache était couchée dans la première salle, sur un lit d'or. Elle était habillée d'une toile vert de mer, fine et souple comme une vague. Ses cheveux noirs entremêlés de corail tombaient jusqu'à ses pieds, et son visage blanc et rose ressemblait, pour l'éclat, à l'intérieur d'un coquillage. Warne s'arrêta, tout ébloui de voir une créature si belle, mais la Groache se leva en souriant et s'avança vers lui. Sa démarche était si souple qu'on eût dit un des flots blancs qui courent sur la mer. Elle salua le jeune Léonard. « Soyez le bienvenu, » dit-elle en lui faisant signe d'entrer. « Il y a toujours place ici pour les étrangers et pour les beaux garçons. » Le jeune homme rassuré entra. « Qui êtes-vous? D'où venez-vous et que cherchez-vous ? » ajouta la Groache. « On m'appelle Warn, » répondit le Léonard. « Je viens de l'Anilis et je cherche de quoi acheter une petite vache et un pourceau maigre. » « Eh bien, venez, Warn, » reprit la fée, « et ne vous inquiétez plus de rien, car vous aurez tout ce qui pourra vous réjouir. » Elle l'avait fait entrer dans une seconde salle tapissée de perles, où elle lui servit de 8 espèces de vin, dont 8 gobelets d'argent sculptés. Warn but d'abord des 8 vins, puis il les trouva si bons qu'il en rebut 8 fois de chacun, et à chaque coup, il trouvait la Groache plus belle. Celle-ci l'encourageait, en lui disant qu'il ne devait point avoir peur de la ruiner, puisque l'étang de l'île du Loc communiquait avec la mer, et que toutes les richesses qu'engloutissaient les naufrages y étaient apportées par un courant magique. « Sur mon salut, » dit Warn, que le vin avait rendu gai, « je ne m'étonne plus si les gens de la côte parlent mal de vous. Les personnes si riches ont toujours des jaloux. Quant à moi, je ne demanderai que la moitié de votre fortune. » « Vous l'aurez si vous voulez, Warn, » dit la fée. « Comment cela ? » demanda-t-il. « Je suis veuve de mon mari, le Corandon, » reprit-elle. « Et si vous me trouvez à votre gré, je deviendrai votre femme. » Le Léonard fut tout saisi de ce qu'il entendait. Lui se marier à la Groache qui lui semblait si belle, dont le palais était si riche et qui avait de 8 espèces de vin qu'elle laissait boire à discrétion. Il avait à la vérité promis à Bella de l'épouser, mais les hommes oublient facilement ces espèces de promesses, ils sont pour cela comme les femmes. Il répondit donc poliment à la fée qu'elle n'était pas faite pour qu'on la refusât, et qu'il y avait joie et honneur à devenir son mari. La Groache s'écria alors qu'elle voulait préparer sur le champ le repas de la Véladen. Elle dressa une table qu'elle couvrit de tout ce que le Léonard connaissait de meilleur, outre beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Puis elle alla à un petit vivier qui était au fond du jardin et elle se mit à appeler « Hé, le procureur ! Hé, le meunier ! Hé, le tailleur ! Hé, le chantre ! » Et à chaque cri, on voyait accourir un poisson qu'elle mettait dans un filet d'acier. Lorsque le filet fut rempli, elle passa dans une pièce voisine et jeta tous les poissons dans une poêle d'or. Mais il sembla à Warn qu'au milieu des pétillements de la friture, de petites voix chuchotaient. « Qui est-ce donc qui chuchote sous la poêle d'or, Groache ? » demanda-t-il. « C'est le bois qui pétille, » dit-elle en attisant le feu. Un instant après, les petites voix recommencèrent à murmurer. « Qui est-ce donc qui murmure, Groache ? » demanda le jeune homme. « C'est la friture qui fond, » répondit-elle en faisant sauter les poissons. Bientôt, les petites voix crièrent plus fort. « Qui est-ce donc qui crie, Groache ? » reprit Warn. « C'est le grillon du foyer, » répliqua la fée en chantant si haut que le Léonard n'entendit plus rien. Mais ce qui venait de se passer lui avait donné à réfléchir, et comme il commençait à avoir peur, il commença à sentir des remords. « Jésus-Marie, » se dit-il, « est-ce bien possible que j'ai oublié si vite Bella pour une Groache qui doit être fille du démon ? Avec cette femme-là, je n'oserais même pas faire mes prières du soir, et je suis sûr d'aller en enfer comme un langueilleur de porc. » Pendant qu'il se parlait ainsi, la fée avait apporté la friture et elle le pressa de dîner en lui disant qu'elle allait chercher pour lui 12 nouvelles espèces de vin. Warn tira son couteau tout en soupirant et voulut commencer à manger. Mais à peine la lame qui détruisait les enchantements eut-elle touché au plat d'or que tous les poissons se redressèrent et redevinrent de petits hommes portant chacun le costume de son état. Il y avait un procureur en rabat, un tailleur en bas violet, un meunier couleur de farine. un chantre en surplis, et tous criaient à la fois en nageant dans la friture. « Warn, sauve-nous si tu veux toi-même être sauvé !»« Sainte Vierge, quels sont ces petits hommes qui chantent dans le beurre fondu ?» s'écria le léonard stupéfait. « Nous sommes des chrétiens comme toi, répondirent-ils. Nous étions aussi venus à l'île du Loc pour chercher fortune. Nous avons consenti à épouser la Groache, et le lendemain du mariage, elle a fait de nous ce qu'elle avait fait de nos prédécesseurs qui sont dans le grand vivier. Quoi ? » s'écria Warn. « Une femme qui paraît si jeune est déjà la veuve de tous ces poissons. Et tu seras bientôt dans le même état, exposé aussi à être frit et mangé par les nouveaux venus. » Warn fit un saut, comme s'il se fût déjà senti dans la poêle d'or, et courut vers la porte, ne songeant qu'à s'échapper avant le retour de la Groache. Mais celle-ci, qui venait d'entrer, avait tout entendu. Elle jeta son filet d'acier sur le léonard, qui se transforma aussitôt en grenouille et alla le porter dans le vivier où se trouvaient déjà ses autres maris. Dans ce moment, la clochette qu'Warn portait à son cou tinta d'elle-même, et Bella l'entendit à l'anilis où elle était occupée à écrémer le lait de la veille. Ce fut pour elle comme un coup dans le cœur. Elle jeta un cri en disant « Warn est en danger !» Et sans attendre autre chose, sans demander conseil à personne, elle courut mettre ses habits de grand-messe, ses souliers, sa croix d'argent et sortit de la ferme avec son bâton magique. Arrivée au carrefour, elle planta celui-ci dans la terre en murmurant « De Saint Vougar, rappelle-toi, bâton de pommier, conduis-moi sur le sol, dans les airs, sur l'eau, partout où passer il me faut !» Le bâton se changea aussitôt en un bidet rouge de Saint-Égonnec, peigné, scellé, bridé, avec un ruban sur chaque oreille et un plumet bleu au front. Bella le monta sans balancer. Il partit d'abord au pas, puis au trot, puis au galop, et il allait si vite que les fossés, les arbres, les maisons, les clochers passaient devant les yeux de la jeune fille comme les bras d'un dévidoir. Mais elle ne se plaignait pas, sachant que chaque pas l'approchait de son cher Warn. Elle excitait au contraire le bidet en répétant « Le cheval va moins vite que l'hirondelle va moins vite que le vent va moins vite que l'éclair, mais toi, mon bidet, si tu m'aimes, il faut aller plus vite que tous, car j'ai une part de mon cœur qui souffre, la meilleure moitié de mon cœur qui est en danger. » Le bidet l'entendait et courait comme une paille qu'emporte le tourbillon, si bien qu'il arriva enfin dans la raie, au pied du rocher que l'on appelle le Sceau du Cerf. Mais là, il s'arrêta, car jamais cheval ni jument n'avaient gravi ce rocher. Bella, qui comprit pourquoi il restait immobile, recommença à dire « De Saint Vougar, rappelle-toi, bidet de Léon, conduis-moi sur le sol, dans les airs, sur l'eau, partout où passer il me faut. » Dès qu'elle eut achevé, des ailes sortirent des flancs de sa monture, qui devint un grand oiseau et qui l'emporta au sommet du rocher. Ce sommet était occupé par un nid fait de terre de potier et garni de mousse desséchée sur lequel se tenait accroupi un petit corandon tout noir et tout ridé qui se mit à crier quand il vit Bella. « Voici la jolie fille qui vient pour me sauver !»« Te sauver ?» dit Bella. « Qui es-tu donc, mon petit homme ?»« Je suis Jannick, le mari de la Groache de l'île du Loc. C'est elle qui m'a envoyé ici. »« Mais que fais-tu dans ce nid ?»« Je couve 6 œufs de pierre, et je n'aurai ma liberté que lorsqu'ils seront éclos. » Bella ne put s'empêcher de rire. « Pauvre cher petit coq, » dit-elle, « et comment pourrais-je te délivrer ?» En délivrant Warn qui est au pouvoir de la Groache. « Ah, dis-moi ce qu'il faut pour cela !» s'écria l'orpheline. « Et quand je devrais faire à genoux le tour des 4 évêchés, je commencerai tout de suite. »« Eh bien donc, il faut 2 choses, » dit le corandon. « D'abord te présenter à la Groache comme un jeune homme, puis lui enlever le filet d'acier qu'elle porte à la ceinture et l'y enfermer jusqu'au jugement. » Et où trouverai-je un habit de garçon à ma taille, Corandon, mon chéri? Tu vas le savoir, ma jolie fille. À ces mots, le petit nain arracha quatre de ses cheveux roux. Il les souffla au vent en marmottant quelque chose tout bas. Et les quatre cheveux devinrent quatre tailleurs, dont le premier tenait un chou, le second des ciseaux, le troisième une aiguille et le dernier un fer. Tous quatre s'assirent autour du nid, les jambes en forme d'X, et se mirent à préparer un costume complet pour Bella. Avec la première feuille de chou, ils firent un bel habit piqué sur toutes les coutures. Une autre feuille servit au gilet, mais il en fallut deux pour les grandes culottes à la mode de Léon. Enfin, le cœur du chou fut taillé en chapeau, et le tronc servit à faire des souliers. Quand Bella eut revêtu ce costume, on eût dit un gentilhomme habillé de velours vert doublé de satin blanc. Elle remercia le Corandon, qui lui donna encore quelques instructions. Puis son grand oiseau la transporta tout d'une volée à l'île du Loc. Là, elle lui ordonna de redevenir bâton de pommier et entra dans la barque en forme de cygne qui la conduisit au palais de la Groache. À la vue du jeune Léonard vêtu de velours, la fée parut ravie. « Par Satan, mon cousin !» se dit-elle. « Voici le plus beau garçon qui soit jamais venu me voir, et je crois que je l'aimerai jusqu'à 3 fois 3 jours. » Elle se mit donc à faire de grandes amitiés à Bella en l'appelant « mon mignon » ou « mon petit cœur ». Elle lui servit à goûter, et la jeune fille trouva sur la table le couteau de Saint-Corentin qui avait été laissé par Warn. Elle le prit pour s'en servir à l'occasion, puis elle suivit la Groache dans le jardin. Celle-ci lui montra les pelouses fleuries de diamants, les jets d'eau parfumée de lavande et surtout le vivier où nageaient les poissons de 1000 couleurs. Bella parut si enchantée de ces derniers qu'elle s'assit au bord de la pièce d'eau afin de mieux les regarder. La Groache profita de son ravissement pour lui demander si elle ne serait pas bien aise de rester toujours en sa compagnie. Bella répondit qu'elle ne demanderait pas mieux. « Ainsi, tu consentirais à m'épouser sur le champ ?» demanda la fée. « Oui, répondit Bella, à la condition que je pourrais pêcher un de ces beaux poissons avec le filet d'acier que vous avez à la ceinture. » La Groache, qui ne soupçonnait rien, prit cela pour un caprice de jeune garçon. Elle donna le filet et dit en souriant, « Voyons, beau pêcheur, ce que tu prendras. « Je prendrai le diable !» cria Bella en jetant le filet ouvert sur la tête de la Groache. « Au nom du sauveur des hommes, sorcière maudite, deviens de corps ce que tu es de cœur !» La Groache ne put que jeter un cri qui se termina par un murmure étouffé, car le vœu de la jeune fille était accompli. La belle fée des eaux n'était plus que la hideuse reine des champignons. Les Bretons appellent les champignons « trône des crapauds ». Bella ferma vivement le filet et courut le jeter dans un puits sur lequel elle posa une pierre scellée du signe de la croix afin qu'elle ne pût se soulever qu'avec celle des tombeaux au jour du jugement. Elle revint ensuite bien vite vers le vivier, mais tous les poissons en étaient déjà sortis et s'avançaient à sa rencontre comme une procession de moines bariolés en criant de leurs petites voix enrouées. « Voici notre seigneur et maître, celui qui nous a délivrés du filet d'acier et de la poêle d'or. Et ce sera aussi celui qui vous rendra votre forme de chrétien, » dit Bella en tirant le couteau de Saint-Corentin. Mais comme elle allait toucher le premier poisson, elle aperçut tout près d'elle une grenouille verte qui portait au cou la clochette magique et sanglotait à genoux, ses deux petites pattes posées sur son petit cœur. Bella sentit comme un coup intérieur et elle s'écria « Est-ce toi ? Est-ce toi, mon petit Warn, roi de ma joie et de mon souci ?»« C'est moi !» répondit le petit garçon en grenouillé. Bella le toucha aussitôt de la lame qu'elle tenait. Il reprit sa forme et tous deux s'embrassèrent en pleurant d'un œil pour le passé et en riant de l'autre pour le présent. Elle fit ensuite de même pour les poissons qui redevinrent ce qu'ils avaient été. Comme elle achevait, on vit arriver le petit Corandon du rocher du cerf, traîné dans son nid comme dans un char, par 6 grosses mouches de chêne qui étaient écloses des 6 œufs de pierre. les mouches de chêne sont les hannetons. « Me voici, la jolie fille » cria-t-il à Bella. « Le charme qui me retenait là-bas est rompu et je viens vous remercier car d'une poule vous avez fait un homme. » Il conduisit ensuite les deux amants au bahut de la Groache qui était rempli de pierres précieuses en leur disant d'y prendre à volonté. Tous deux chargèrent leurs poches, leurs ceintures, leurs chapeaux et jusqu'à leurs larges braies de Léon. Enfin, quand ils eurent repris tout ce qu'ils pouvaient porter, Bella ordonna à son bâton de devenir une voiture ailée assez grande pour les conduire à l'Anilis avec tous ceux qu'elle avait délivrés. Là, ses bans furent publiés et Warn l'épousa comme il le désirait depuis longtemps. Seulement, au lieu d'acheter une petite vache et un pourceau maigre, il acheta toutes les terres de la paroisse et il y établit comme fermier les gens qu'il avait emmenés de l'île du Loc. La Groache de l'île du Loc et les pierres de Plouinec sont extraites du foyer breton dont la propriété littéraire appartient à la maison Calmann-Lévitt.